Salut Charline. Alors j'ai trouvé ce matin un super sujet. Oh là là là. C'est dans Libération. Ah bah ouais, le truc con du vendredi, c'est toujours dans Libé. Non, là c'est pas con. C'est, c'est quoi? C'est le sexisme des toilettes. C'est ce que je disais. Ouais, c'est con, c'est mais non, ça pose tout un tas de questions. Non, mais une fois qu'on aura admis que les hommes tiraient moins la chasse, on dit quoi? Mais non. D'un point de vue sociologique, oh là là, les toilettes en disent beaucoup sur la société dans laquelle on vit. Bon, et c'est qui l'invité qui aura la chance de traiter le sujet? C'est Michel Bernier. Ah, c'est vrai. C'est vraiment, c'est la marraine de l'émission. Ah bon? Bah oui, comme Bruno Gassiot, c'est le parrain. Ah oui. Non, on peut pas l'obliger à devenir la marraine, tu vois. Oh, si, c'est Michel Bernier, c'est la famille. Mais oui, on se définit un peu comme les enfants de Charlie ici. Je vois pas. Toi, tu te définis comme un enfant de Charlie. Un peu, oui. Et bah, comme Michel, c'est la fille du professeur Chou. Voilà. Mais quoi là? Et bah, c'est un peu notre sœur. C'est la sœur. Mais oui, pas du tout, enfin. Mais, mais parce qu'on peut pas l'obliger à devenir notre sœur ou notre marraine. Ouais, elle a peut-être pas envie d'avoir Guillaume dans sa famille. Bah, déjà. Oui, mais la famille, on choisit pas. Bah, ça suffit, revenons au sujet. Vous savez quoi? Je vais d'abord me soulager, moi. Dans quelle toilette? Ah bah, je vais faire pipi. Oui, mais dans quelle toilette? Vous faites chier. Coucou la France Inter. Coucou à tous. Vous écoutez l'émission qui a un tigre dans le moteur et voici les deux invités qui vont nous conduire à toute vitesse jusqu'à 18h. Michel Bernier entame les hostilités avec un point de vue bien tranché sur ces jeunes de plus en plus nombreux à s'engager dans l'armée. Et puis Dany Laferrière de l'Académie française, monsieur, il devisera avec nous de la façon dont la lecture est enseignée à l'école ou des projets d'amélioration du clavier AZERTY. Et à mes côtés, je retrouve Alex Vizorek de l'Académie Alphonse Allais. Ça, c'est en attendant la création d'une Académie C'est Jérôme, bien sûr. C'est bien dit. Bonjour, Charline Valoulaker. Et alors aujourd'hui, attention, du beau monde, Mélanie Bauer, qui en plus d'être chroniqueuse, vous le savez, est DJ. Eh bien, elle nous a donné un petit cours. Je suis donc maintenant capable de scratcher les vinyles de Michel Thor. Guillaume Meurice s'était fendu pendant la COP21 d'interroger les climato-sceptiques. Eh bien, ces gens sont devenus des meurisseaux-sceptiques après l'avoir rencontré. Clara Dupont-Mono sera là. Elle parlera du livre de Dany Laferrière. Je crois qu'il faut absolument que j'écrive un livre pour qu'elle dise enfin du bien de moi. Et s'il y a bien une chose qui ne changera jamais dans cette émission, nous sommes vendredi. Et le vendredi, c'est Fromet, la chanson Kippa Outé. Ouais, et on peut y aller, on peut y aller. Ah bah oui, le programme est fait. Et vas-y, envoie la pêche. Sur France Inter, Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek, si tu écoutes, j'annule tout. Alors Michel Bernier, on peut vous voir à l'Olympia, oui, avec Frédéric Diefenthal dans « Je préfère qu'on reste amis ». Alors attention, c'est spécial parce qu'il y a déjà eu 200 représentations au Théâtre Antoine. Oui. Pièce de Laurent Ruquier au Théâtre de Laurent Ruquier. 120 dates dans toute la France. Oui. Ensuite, diffusion sur France 2 avec un record d'audience, 5 millions de téléspectateurs. Oui. Et là, repaf l'Olympia. L'Olympia de Bolloré. Et repaf. L'Olympia de Bolloré. Voilà. Ouais. Puisqu'on cite les propriétaires de théâtre. Qui n'a pas encore vu cette pièce, Michel Bernier? Un martien, une martienne, un homme politique peut-être. Un américain de passage à Paris. Oui, on ne sait pas. On ne sait pas. Avant Broadway, en tout cas, il peut venir vous voir. Absolument. Et mis en scène par une Belge, Marie-Pascale Osterite. Mais non. Mais oui. Mais voilà. C'est ma sœur depuis 20 ans. C'est ça que c'est un carton, Michel Bernier, justement. Bien sûr. C'est parce qu'il y a de la belgitude dans cette histoire. Alors, on part de la phrase la plus con du monde. Je préfère qu'on reste amis, ouais, que vous dit Frédéric Diefenthal. Et à partir d'une phrase aussi con, on peut faire une pièce à succès. C'est évidemment, parce que c'est nous, c'est vous, c'est nous, c'est le goût. Un rôle atypique non, en fait, d'une cagagénaire. Le démarrage, c'est que c'est des potes depuis 5 ans, qu'elle, elle s'est laissée être amie alors qu'elle ne rêvait que d'une chose, c'est de lui sauter dessus. Mais bon, elle a attendu, puis là, elle n'en peut plus. Ce qui m'arrive avec Guillaume Meurice. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est exactement notre histoire. Voilà, et tout d'un coup, elle s'est dit, bon, il faut que je lui dise, parce que là, ça a plu. Donc, elle décide de l'inviter à dîner, et d'un coup, elle fait ça dans son magasin de fleurs, parce qu'elle est fleuriste. Et puis, elle sent que, voilà, elle s'est un peu... elle sent qu'il est toujours aussi câlin, affectueux, quand il la voit et tout. Donc, c'est bon moment. Puis, elle lui dit qu'elle l'aime. Et là, il lui dit cette phrase, mais non. Mais non, je te jure, je préfère qu'on reste amis. Et moi, je lui dis, non, pas cette phrase. Non, pas toi, pas cette phrase. Je ne plus jamais l'entendre. Lui, il m'a dit, je préfère encore me taper Nadine Morano. M'a dit. C'est une variante. Oui, c'est une variante, mais qui ferait que la pièce s'arrêterait là. Oui. C'est vrai. Alors que là, elle commence. Voilà. Et au fur et à mesure, c'est un jeu, évidemment, de séduction de sa part à elle. Et lui, il ne fait que l'éloigner jusqu'au moment où il lui raconte ce qu'il est vraiment dans la vie. Et là, tout d'un coup, c'est entre ce qu'on s'est dit, ce qu'on ne s'est pas dit, ce qu'on se cache même en tant qu'ami, alors qu'on croit que l'amitié, c'est quelque chose de totalement libre et où tout est permis, mm-hmm. en fait. Pas oui. autant qu'on le croit. Oui. Et puis après, ben... Après, venez. Oui, venez à l'Olympia. Alors, jouer à l'Olympia, c'est quand même spécial. C'est la première fois pour vous de jouer à l'Olympia ou pas? Non. Troisième fois. Ah ouais? Oui, il y a eu le démon de midi. Ah oui. Et pas une ride. Et puis là... Justement, vous, cette tornade de One Man Show qui emplissait la scène seule, commençait de repasser à une pièce où malgré tout, vous avez quand même ce rôle de tornade toujours, mais il faut laisser la place aussi à Frédéric Diefenthal et aux autres comédiens. Ouais, mais je ne laisse pas la place à n'importe qui. Ah, Donc je suis avec Frédéric Diefenthal. Moi, je choisis que des beaux mecs vous avez pour bien jouer. Raison. Et j'ai décidé de faire la machine à l'envers. C'est-à-dire que plus je vieillis, plus je fais des rôles de femmes qui n'ont pas mon âge, qui sont plus jeunes. Donc moi, j'ai décidé qu'à partir de 50 ans, on doit tomber amoureux, penser qu'à ça même, je dirais. Voilà. Je ne fais pas le truc de je ne vais pas jouer les grand-mères, ça ne m'intéresse pas, les belles-mères et tout. Non. Les femmes amoureuses. Donc reprise de Fifi Brin d'Acier, très prochaine, par Michel Bernier. Absolument. Michel je reprends Bernier. Tout Jordi. Par Animal Collective. Et nous sommes toujours avec Michel Bernier. On s'était bien amusé. Tout est politique, même la fiction à la télé. La fiction cherche à être très réaliste. Dans les romans, elle imagine plutôt les pires scénarios, comme pour tenter d'agir à titre préventif. Il faut reconnaître qu'aujourd'hui, en tout cas, aujourd'hui, celui qui s'approche le plus de la réalité dans la fiction politique, eh bien c'est lui. Simplé à la culture, me semble une évidence. Tintin à la police et Picsou aux finances, Zorro à la justice et Mini à la danse. Est-ce que tu serais content si j'étais président? Alors finalement, c'est Bécassine à l'écologie, donc dans la chanson, c'est pas tout à fait ça. Mais bon, on n'a pas tapé loin. Sympa. Et Simplay, il est Premier ministre. Gérard Depardieu est maire de Marseille dans Marseille, une production Netflix. Pour Canal+, Niels Astrup est président de la République avec Can Merad, maire de Dunkerque. Michel Bernier, est-ce que vous êtes cliente de ce genre de fiction télé qui s'empare de la politique et surtout de ses cuisines pour aller voir derrière ce qui se passe ou ça vous... Oui, j'aime bien, mais en même temps, c'est toujours dangereux parce qu'on pense que c'est vrai ce qu'il raconte alors que ça l'est pas. Ça joue un peu là-dessus, c'est-à-dire qu'il y a 3-4 conseillers qui ont été des anciens politicards ou qui ont fait 3 discours et qui viennent dire non, pas du tout, mais moi j'ai connu un ministre, un machin, etc. Donc les scénaristes se jettent là-dessus comme la misère sur le monde, ce que je veux bien comprendre d'ailleurs. Mais je pense qu'à travers ça, il y a quand même énormément de choses qui sont extrêmement scénarisées, évidemment, et que personne n'ira demain raconter une vérité sur un monde politique qui, de toute façon, je pense, n'est pas aussi fascinant que ça. Je pense qu'on serait tous déçus si on était des petites souris et qu'on vivait avec eux. On se dirait, mais c'est pas possible, ils s'en font. En fait, je crois qu'ils s'emmerdent. Mais la fiction permet aussi de dire des choses que peut-être on ne peut pas dire dans les journaux, dans l'actualité. Je suis pas sûre de ça. Vous êtes dubitative. Ouais, très. Parce que je pense que c'est beaucoup plus complexe que ça. Je pense qu'il y a des paramètres trop durs, trop forts. Moi, j'ai toujours l'impression qu'ils racontent qu'un tel a pris telle décision, qu'on a manipulé tel député pour qu'il puisse passer, pas passer. On a l'impression que là-dedans, alors si c'est vrai, c'est horrible parce qu'on a l'impression que les électeurs n'ont aucun pouvoir. C'est-à-dire que peu importe pour qui on vote, ils font ce qu'ils veulent. ça peut être décourageant. Exactement. Voire taxer de populisme. Et alors moi, je me dis que peut-être ce serait même intéressant que ces fictions-là soient jouées par des gens totalement inconnus. C'est-à-dire que ce que je trouve dommage, entre guillemets, et Dieu sait si j'aime tous les acteurs que vous avez cités, mais je pense que si on faisait une fiction politique où on pouvait se permettre plus de choses, comme vous disiez tout à l'heure, peut-être que ce serait intéressant de le faire avec des acteurs qu'on ne connaît pas du tout. Et que ça donnerait une force et une ferveur plus intense, quoi. Et voilà, des membres de l'UDI, par exemple. Voilà, non, parce que je me dis qu'on on finit par aimer. Vous savez, au Guignol, vous parliez de Bruno Gassier au début, c'est vrai qu'ils ont jamais voulu faire Le Pen en marionnette parce que la marionnette rend sympathique. C'est comme ça. Et c'est vrai que Gérard Depardieu, en maire de Marseille, on a envie de l'aimer. Voilà, et que tout d'un coup, les acteurs amènent quelque chose qui met de la distance et peut-être un plus d'empathie. Alors, c'est pour ça que je me dis que si c'est quelqu'un pas connu du tout, peut-être qu'on serait, on pourrait dire, oh, vraiment, quel salaud celui-là, ou il est drôlement bien, j'aimerais bien être avec lui. Voilà. Mais je vois que ce sujet vous inspire, Michel Bernier. Tout m'inspire, vous êtes là, vous êtes bon. Moi, j'aime la vie, oui, prenez-moi. Bon les garçons, on vous laisse faire pendant ce temps. J'ai une blague sur Wikipédia si vous voulez. Allez, on va aller. Hey Mélanie Bauer, aujourd'hui vous êtes DJ. Absolument. Mais pas aujourd'hui parce que vous êtes vraiment DJ dans la vie. Faut expliquer. Oh oui, Sélecteur. Vous avez. On appelle ça comment? Sélecteur quand on n'est pas vraiment DJ mais qu'on passe des disques. D'accord. Et vous avez amené votre matériel. Exactement. Il y a un ordinateur et Un contrôleur pour et un disque et un contrôleur. Bon, alors déjà, vous nous parlez de quoi? Déjà, je suis le seul DJ qui mixe avec un PC. Hein. Ça, il faut quand même le noter. Je voulais vous expliquer le principe de la boucle parce que la musique électronique et le hip-hop, visiblement, ça vous dépasse. Alors, je voulais partir du truc de base, la boucle, à savoir, on prend un bout de morceau comme ça. On le boucle, donc là ça recommence. On fait recommencer. Et on le bidouille un petit peu, et ça donne du hip-hop. Et là vous avez poussé deux boutons, là, et bim. Et là j'ai poussé deux boutons. Mais surtout, ça c'est Dr. Dre, on est donc aux États-Unis avec Eminem, etc. Et ce sample, vous l'avez écouté tout à l'heure, je vais vous faire écouter la chanson en vrai. Ouais. On y repart. C'est quoi un sample, Mélanie? C'est un bout de truc. D'accord. Et ça, c'est la chanson originale. Parce que tu crois que tu es ma faiblesse. Eh oui. Docteur Dre a tapé Charles Aznavour. C'est ça. C'est Charles Aznavour. Alors, plus rigolo, Ça alors, c'est fou, hein. Bah oui. C'est difficile pour moi parce qu'il faut que je pense, que je parle, oui, oui. Et qu'en même temps j'appuie sur des boutons. Faut expliquer à l'auditeur, vous avez votre ordi, votre table de mixage, c'est ça. Et bon, c'est pas et évident. Et en plus un micro, et en plus une bande de zozours. On y va. Un autre tube que vous connaissez, c'est ça. Évidemment. Bien sûr. Évidemment, Georges Brassens. Quand même. Alors ça, c'est quoi? C'est Daft Punk. Je vous donne l'original. Daft Punk, bien sûr, j'adore. Évidemment. Je vous adore. Donc pour bien faire sûr. Ce morceau de Daft Punk, il a fallu une boucle, donc un bout de truc qu'on a pris, qu'on a bidouillé. Et c'est de la bidouille, quoi. Et ça, c'est le morceau original. Ah, ils ont pompé à quelqu'un. Ah bah ils ont carrément pompé. Enfin, c'est pas pompé, c'est samplé, on appelle ça. Voilà. Donc Daft Punk, on est en 2001 avec ce Harder, Better, Faster, Stronger. Et ça, c'est un morceau de 1979 d'Edwin Birdsong. Oh là, dis donc. Je vais en faire un autre. En fait, PPDA, quand il écrit ses livres, il sample aussi. C'est exactement ça. Je vais en faire un autre. Ah oui, allez, encore un, encore un. Par exemple, si je vous fais ça, a priori, vous allez me dire... Donc là, vous poussez des boutons essentiellement. Oui, hein. Oui, oui. Ah, ça, c'est MC Solar. Bouge de là. Aha. Ah, c'est pas ça. Non, ça, c'est l'original. Ah. C'est le truc où il a pompé. Voilà, ça, c'est l'original. C'est Simon. Ah oui, dis donc, c'est du samplage. Allez, escrocs. Bien samplé, ça. Là, on est donc au début des années 70. Mais il y a une subtilité, parce qu'on peut pas pomper comme ça. Le solar. On peut faire ça? Bah, absolument. Bah, c'est tout le principe du hip-hop et de la musique électronique. Je veux dire, il n'y a pas, par exemple, si, au-delà de 3 mesures ou de 15 secondes, ça devient. Si. Ah. Alors après, on paye des droits quand même. Ah, oui. Au-delà de 8 secondes. Merci Michel Bernier, un peu d'éthique dans cette émission. Un peu d'éthique quand même. Dieu. Et la tendresse, bordel. Et donc, ça, c'est la version de MC Solar. Bouge de là. Alors, un dernier exemple, allez, avec un avant-dernier, allez, parce que c'est quand même rigolo. Hein. Donc ça, tout le monde connaît, absolument, tout le monde, même vous, Alex. Allez-y, lancez. Gainsbourg. Absolument. Qui donne, toujours avec ce monsieur hein, qui pompe énormément, MC Solar. Ouais. Non, ça c'est Gainsbourg. Ouais, ça c'est Gainsbourg. Ça va être le nouveau Wester. Hein. Ça... Ouais! Bim! Alex Vizorek! Eh oui! Parce que d'habitude, dès qu'on le sort de Michel Thor, on n'a plus rien. Et là, paf! Je suis un peu pareil. Hein, donc, Michel, on va sortir, on va aller dans les ténances. Ça, c'est MC Solar. Et j'en ai une autre pour vous. Allez-y, Mélanie. DJ Mélanie Bauer aujourd'hui. Ça, alors. On sait pas. C'est la même rythmique. Et Kylie Minogue. Ah, ok. Donc il y a Gainsbourg, MC Solar et Kylie Minogue sur le même coup, c'est ça. On prend un bout de truc. Ouais. Plus on le met dans un ordinateur, on le bidouille, on le ralentit, on change un petit peu la sonorité. Et on le réinvente. Oh, c'est le principe de la boucle. Voilà, DJ Mélanie Bauer, vous allez revenir avec votre matos. Ouais. Allez, on écoute un peu de musique. Il sera enchaîné avec l'original en vrai qu'on écoutera en entier. C'est celui-là, c'est un tube, vous allez forcément danser dessus. C'est Groove is in the heart. La boucle arrive. Je l'avais prévu, mais j'ai pas appuyé sur le bon bouton. C'est ça. Ouais. Vous connaissez? Est-ce qu'il n'y a pas une émission? Parce qu'on regarde la télévision. Ouais. Ah bon, ça passe à la télé? Et originellement? C'est Herbie Hancock. Ce morceau de 1965, Bring Down the Birds. Thank you. Herbie Hancock, Bring Down the Birds. C'est DJ Melanie Bauer qui nous a expliqué les boucles, les samples. Exactement. Et que donc tous ces gens passent leur temps dans les magasins à farfouiller les vieux disques pour trouver... Des bouts de morceaux. Oui, des bouts de morceaux de samples à boucler. Voilà. Merci Mélanie Bauer. On est toujours en compagnie de Michel Bernier. Oui. Et on va passer le sujet 2 en revue avec vous. Depuis les deux vagues d'attentats de 2015, Charlie et le 13 novembre, eh bien, les jeunes qui ont décidé d'agir s'engagent dans l'armée. Donc, que Charlie Hebdo incite un jour à devenir bidas. Ça, alors là. Où est-ce qu'on a merdé ça, quoique des fois, à leur insu, bidas a un côté Charlie. Si, si, écoutez, il faut être attentif, mais. Ah, écoute-moi bien, ça fait 2 jours, 3 jours qu'on est là. Tous les jours, j'entends parler minimum 4-5 fois de toi. Encore une réflexion. Entends bien ce que je te dis. Une réflexion. Jusqu'à vendredi prochain, je t'atomise la tête. T'as bien compris dans ta petite tête. Je suis pas ton père. Je suis pas ton grand frère, je suis pas ton cousin, je suis ton sergent. La prochaine fois, je t'atomise la tête. Je vais te taper. C'est ce que ça veut dire, se faire taper. Oui, sergent. Je vais te faire rentrer ça à coup de batte à feu dans la tronche. T'as bien compris, t'as beau faire 10 cm de plus que moi, je vais te casser en deux, je vais t'anéantir. Et tu me casses les couilles. Parce que c'est pas moi qui te fais une réflexion, c'est le chef qui me prend à part. Je suis tranquillement en train de boire l'apéro et il me dit l'escalier, voilà. Alors tu vas ou sinon j'y vais moi. Tu crois que ça me fait plaisir à moi? Je passe pour un pain. Hey. Je suis pas chef moi, je suis sergent. Oui, sergent. T'as compris? Oui, sergent. La prochaine fois, c'est visage. C'est clair, c'est visage. Dégage. Mais voilà, c'est libertaire, c'est anard, c'est dingue. Oui. C'est un extrait de documentaire dont Guillaume Meurice oui. est fan. La meilleure façon de marcher, ça s'appelle. Exactement. Formidable. Voilà. Alors, Michel Bernier, oui. Donc, voilà, après les attentats, donc attentat Charlie, attentat contre ces lieux de dépravation et d'idolâtrie, que sont les concerts de rock, les terrasses, ah etc. Là, quelle horreur. Et tout ça, et on en vient à s'engager à l'armée. De Charlie à l'armée, où est-ce qu'on a merdé, Michel Bernier? Mais je ne sais pas, je pense que surtout, il y a beaucoup de gens qui n'ont donc jamais lu Charlie. C'est surtout ça qui me fait de la peine. Et que je crois que, non, mais l'espèce de ferveur où on a besoin, comme ça, de te trouver une raison de vivre un peu, des engagements. Je pense que c'est une réalité dans ce monde. Mm-hmm. Et aussi bien chez les jeunes qui se radicalisent que chez d'autres, tout d'un coup, une envie de communautarisme, comme ça, de se sentir avec quelqu'un, d'avoir un but dans la vie. Je de pense faire les corvées de chiottes. Mais, enfin, voilà, y a non, mais parce qu'ils ne savent pas ce que c'est. Mais c'est pour ça que je dis ça. Ouais. Et que, en plus, ça, c'est loin de ça. C'est plutôt idéaliste comme projet au départ. Mais, ou une envie de rigueur, il y a beaucoup une de jeunes. Envie de, de rigueur, mais je pense que c'est une envie aussi de penser à quelque chose et qu'on pense pour eux. Parce que j'ai l'impression qu'aussi, il y a un gros problème, c'est qu'est-ce que je fais demain, où je vais, avec quoi je vais gagner ma vie, comment, est-ce que je veux me marier, pas me marier, avoir des enfants, est-ce que je vais être si je veux. Et là, on décide pour vous. Et là, on décide tout pour l'autre, donc c'est pratique. Oui, voilà. C'est mais un... ça ferait bien, j'en connais 2-3 qui sont plus là, comme Cabu, qui a quand même été toujours anti-militariste. Et moi, je me rappelle mon père m'emmenant à la mutualité dans des meetings abat toutes les armées et tout ça. Je veux dire, je l'ai... Voilà, allez voir l'extrait du point de Sarcheron chez Christophe de Chavannes avec les qu'on militaires. Qu'on passe régulièrement. Voilà. J'ai leur voix dans mes oreilles. Effectivement. Allez, on va aborder le troisième sujet en compagnie de Michel Bernier. On l'attend, celui-là. Ah oui, parce qu'on aborde le dossier de cette édition, le dossier toilette, sous leur aspect sociologique. Cuisant. Oui. La société vue à travers la lunette des toilettes, c'est une question posée dans Libération et que nous nous devons de relayer, bien sûr. Ça, c'est la lunette des toilettes. Elle est comment, la lunette? Blanche. Elle est relevée, tête de chiotte. Et pourquoi elle est relevée? Pour pas uriner dessus. Oui, enfin, ça concerne surtout les mecs, puisque nous, on n'a pas besoin de la relever. Bien joué, Soline. Bien joué. Alors, puisque la partie féminine de cette famille n'a pas besoin de relever la lunette pour uriner, pourquoi c'est à nous, les femmes de la BC, dès qu'on va aux toilettes? Hein? Qui peut m'expliquer ça? Bah, c'est peut-être parce que les garçons sont un peu plus égoïstes. Voilà. Parce que des millions de femmes dans le monde sont victimes de la discrimination et de l'égoïsme des hommes jusque dans les toilettes. Alors désormais, la discrimination est bannie de notre famille. À tout jamais, je vous préviens. Ouais, bravo maman. Fais pas ci, fais pas ça. Oui. Mais vous voyez, c'est une question sociologique. Alors, c'est un article dans Libération qui nous indique, par exemple, que les transgenres nous mettent devant une réalité. Il existe une ségrégation sexuelle dans les toilettes publiques. Chez les filles, il y a toujours une énorme file, généralement. Oui. Chez les garçons au moins, mais est-ce que nous, filles, on ose aller dans les toilettes des garçons alors qu'il n'y a personne? Oui, oui. Ah oui. Ah oui. C'est la chienlit, quoi. Alors, moi j'y vais quand il n'y a pas les urinoirs, là. Parce que ça, ah oui, ça, voilà. Ça, voilà. Bon. Alors que finalement, dans l'avion ou dans le train, on partage. Mais bien sûr, évidemment. Et c'est une toilette publique. Vous voyez que c'est une vraie question, n'est-ce pas? Vraie question. Et puis, comme le dit Ruvanogien dans son article, dans les appartements, c'est pareil. Il y a les mêmes toilettes bien pour sûr. Les filles et les garçons. Mais voilà. Et j'ai bien aimé les pictogrammes aussi, très originaux, en fait, qui montrent que. On commence à avoir un petit peu d'imagination quand même sur le oui. pour dessiner des fois autre tellement chose. D'imagination qu'on ne sait pas si c'est les garçons ou les filles. Mais hein. en même temps, je pense que c'est comme c'est des lieux publics. Je pense que c'est aussi pour voilà, c'est une certaine pudeur peut-être pour dire les femmes peuvent aller de là et les hommes de l'autre côté. Je pense que ça doit avoir à voir avec pour ça. Pour protéger hein. les femmes protéger, de ces pervers d'hommes qui voilà. dès qu'il s'agit de sexe, il est possible. De... Puis, tout venez est possible. Dans nos toilettes. Non, le seul truc que je dirais moi, où je pense que là c'est une universalité, c'est quand même que les gens sont crado, quoi. Oui. Voilà. Pour c'est moi, ça. C'est plutôt ça. Hommes oui, mais et tous femmes, les gens disent ça. Mais c'est vrai. Oui, mais alors qui sont les crados? Les gens qui ne disent rien. Parce que généralement, ils se taisent, les enfoirés. Voilà. Mais ça vous, quand vous voyez un homme sortir de la toilette que vous allez en tant que femme. Oui, parce qu'il est belge. Est-ce que ça vous toilette. Ennuie, pardon? Oui, mais pourquoi on dit ça? Parce que nous, on dit la toilette. La toilette, je sais. Et les Français disent lait parce que oui. chez nous, avec une seule, elle est propre. Chez vous, il en faut plusieurs pour en trouver voilà, une propre. C'est ça. Et donc, on aime bien parler de la non-hygiène. Mais est-ce que si vous voyez un homme sortir d'une toilette de fille, est-ce que ça vous ennuie? Ou vous dites, tiens, c'est rigolo. Bah, je m'en fous, oui, je m'en fous du moment que c'est propre quand je cherche. Oui, mais c'est peut-être celui d'avant. Et c'est toujours ce qu'on dit. Ça, on sait pas. Mais oui. c'est pas moi. Mais voilà. Partageons nos toilettes, allons-y, voilà. Il paraît que pour les filles, c'est un espace où on se prépare à entrer sur la scène publique, donc on met un peu plus de temps. Et pour les mecs, un espace purement fonctionnel où résoudre un problème physique. Voilà la conclusion oui. de l'article, on vous y renvoie. Ouais, c'est libération, voilà. c'est le sujet du jour. Je pense que tout le monde téléphone, surtout. Mais dites-moi Alex, c'est l'heure du moment Meurice. Ah oui, vous vous souvenez qu'il y a eu la COP 21 en France, ça vous dit quelque chose? Ça me dit vaguement quelque chose. Bah, Guillaume Meurice s'est intéressé au sujet. Eh ben écoutez, chronique optimiste aujourd'hui, parce Ouh. Que vous savez, content, on va tous crever. Allez, faites pas la gueule, il reste encore une inconnue. On ne sait pas encore comment on va crever. Alors peut-être buté par un djihadiste, un mojito à la main, ou alors d'ennui devant un discours de Xavier Bertrand, ou alors enfermé dans un camp de rééducation dirigé par Marion Maréchal Le Pen en cuissarde, hein, votre fantasme, Alex Vizorek. Je suis pas con. En tout cas, une chose est sûre, on ne mourra pas à cause du réchauffement climatique. Je le sais puisque je suis allé à la contre-COP 21, le grand sommet de celles et ceux qui se disent climato-sceptiques et qui donc ne croient pas au danger du réchauffement climatique. Alors moi, évidemment, vous me connaissez, je suis climato-sceptique. Sceptique, hein, bien évidemment. Alors, j'ai commencé, parce que je suis curieux, j'ai commencé par interroger un premier participant sur l'effet de serre. Pourquoi donc ces serres en plastique, en dessous, on cultive et ça chauffe? Ah bah c'est le principe de l'effet de serre. Bah non, puisque elles sont transparentes. Donc c'est du pipeau. Oui, mais ça réchauffe. Ça chauffe, comme ça chauffe la terre. Tout ce qu'on en fait avec une serre en plastique, c'est qu'on empêche la chaleur de foutre le camp avec le vent. Mais des fois, on l'empêche trop et du coup, il y a un réchauffement climatique. Non, il n'y a pas de réchauffement climatique dans une serre. On augmente de quelques degrés la température. Ah ben c'est ce qu'on appelle un réchauffement. C'est un réchauffement. Voilà, donc c'est un réchauffement. C'est un petit peu long hein, pour arriver à la conclusion. Alors évidemment, il n'y a pas de plastique autour de la Terre. Hein. Il n'y a pas de plastique à l'état naturel, hein. Même dans la hanche de Johnny Hallyday. Hein. C'est pas naturel. Donc, dans le cas de la Terre, si on veut résumer, c'est le gaz carbonique qui tient lieu de plastique et qui est responsable de l'accroissement de l'effet de serre. Enfin, ça, c'est l'avis quasi unanime de toute la communauté scientifique, sauf de celui qu'on vient d'entendre. Mais d'abord, est-ce que ce participant était vraiment scientifique? Je suis scientifique border. Oula, qu'est-ce que c'est que ça? Bah, c'est quoi? C'est que je suis chimiste, teinturier. Donc, bon, je suis border, quoi. C'est-à-dire que... Mais vous êtes teinturier. Teinture des habits. Voilà, teinture des habits, d'accord, je connais bien. Je connais bien ce genre de scientifique. Hein, moi, j'ai une amie styliste chez Zara qui est ingénieure en aérodynamique des fluides en freelance. Hein, donc, il n'y a aucun souci là-dessus. Alors, écoutons quelqu'un d'encore plus impliqué dans la lutte pour le réchauffement climatique, c'est Pierre Bouteille. Alors, Pierre, il se dit carrément climato-réaliste. Il est même membre éminent du collectif des climato-réalistes. Comment se définissent-ils?

Walk On By sur France Inter, Dionne Warwick. Et on poursuit cette émission avec Dany Laferrière de l'Académie française. Un essai défend une autre manière d'enseigner la lecture, plus en empathie. Tiens, exemple avec la chèvre de Monsieur Seguin, qui dit « Alors, le loup se jeta sur la petite chèvre et la mangea. » Voilà, là, il y a un sentiment de peur lié à une identification à la chèvre. Eh bien, pourquoi ne pas en jouer pour inciter les jeunes à la lecture ? Démonstration. Le petit pousset. Il était une fois un bûcheron et une bûcheronne bien pauvres qui avaient 7 enfants, tous garçons. Oh. Consanguinité, bien sûr. Sur fond de misère sociale. Le plus jeune était resté si petit qu'on l'appelait le petit pousset. Voilà, c'est un handicapé, tout le monde s'en fout. Le contexte est parfait. Une année, oh, la misère devint très grande et le pain manqua. Oh, crise, famine. Ouvrez les guillemets, les parents. Nous ne pouvons plus nourrir nos enfants. Demain, nous irons les perdre dans la forêt pour ne pas les voir mourir sous nos yeux. Florence Foresti. Alors, Dany Laferrière, quel est votre premier souvenir de lecture, tiens? Oh, je pense que ça remonte à Cendrillon, à des choses comme ça. Et oui, tout à fait. Mais je lisais ou j'entendais lire avec la même idée. Je pensais à autre chose. Moi, quand je lisais Le Loup et l'Agneau, je comprenais très bien que l'agneau allait passer un mauvais quart d'heure. Et vous aviez peur, vous aviez des sentiments qui vous envahissaient? Ah non, c'est un suspense terrible. J'attendais que ça arrive. Dis, mais quand est-ce qu'il... Oui, donc vous êtes dans une lecture empathique. Est-ce qu'on a tendance, oui, dans l'éducation, oui, à la lecture, peut-être en France ou ailleurs, à s'attacher plus à la rhétorique et moins à l'empathie à s'identifier, à se laisser porter par le récit Quand on lit aux enfants ou quelque chose comme ça, oui. Est-ce que ça peut être un vecteur Bon, moi, je pense qu'il faut lire tout simplement. Et les enfants, ils aiment ça parce que quand la mère lit, elle ne nous emmerde pas. Elle est là bloquée, hein, comme ça, à côté de la baignoire, à lire. Et c'est pour ça que les enfants font lire leurs parents et reprendre. Ouais. Voilà. Et la notion de partage aussi, qui est une piste développée. Donc, c'est un article dans Libération, je vous y renvoie. C'est un essai qui vient de paraître, qui s'appelle « Lire dans la gueule du loup », Hélène Merlin-Cageman, et qui explique que par l'empathie et le partage de la lecture... Mais l'empathie commence à être déjà du côté du loup. Oui, mais oui. Qui a toujours été mal vu, quoi. Bien sûr, c'est vrai. Alors que les loups sont... Hein. Mm-hmm. Défendons les loups. Mais oui. Hashtag je suis loup. Clara Dupont-Mono, Charline Vanhoenacker. À la prose de notre invité, Dany Laferrière. Et oui, puisque l'actualité, eh bien, c'est votre livre, Dany Laferrière, Mythologie américaine. Alors, pour ceux qui prennent l'émission en cours de route, c'est une compile de textes et on y trouve notamment votre premier roman, écrit il y a 30 ans, qui s'appelle Comment faire l'amour avec un nègre sans se fatiguer. Ou deux nègres, si vous voulez. Je vous remercie, Dany, mais déjà, le premier titre me faisait un petit peu rêver. Il y avait un parfum de promesse. En tout cas, c'est un roman comme je les affectionne, parce qu'en fait, il est à double fond. Le héros est noir, bon d'accord, il est pauvre, très bien, il est obsédé sexuel, on connaît tous Vizorek, donc on connaît à peu près le problème, mais surtout, le héros, il essaie d'écrire un livre, et il y arrive soi-disant pas, alors que ce livre, eh ben, c'est celui qu'on est en train de lire. Et le voilà, votre double fond. Votre petit côté Garcimore des lettres. Il est un peu là, quand même, Dany Laferrière. Prends le méga compliment. Quoi. Ben oui, Garcimore était un grand monsieur. Mmh. Dans sa préface, votre éditeur Charles Danzig rappelle que ce procédé est d'ailleurs celui de Marcel Proust. Et en effet, le narrateur de À la recherche du temps perdu, en gros, sanglote sur 3000 pages parce qu'il n'arrive pas à devenir écrivain, alors qu'il l'est, puisqu'on lit son livre. Vous êtes d'accord? Ben, je ne prends pas pour un compliment. Comparé à Marcel Proust. Oh bah, disons qu'il y a, c'est pas mal quand même. En tout cas, c'est votre éditeur qui le cite dans votre préface. Il préfère Garcimore, c'est comme ça. Voilà. Mais Garcimore, c'est très bien. En tout cas, c'est la littérature qui est l'héroïne de votre œuvre. C'est elle, en fait, le cœur du livre. Juste un exemple, le premier texte de Mythologie américaine s'appelle donc Truman Capote au Parc Hôtel. Et c'est l'histoire d'un homme qui flash sur une fille, d'ailleurs aperçue dans une bibliothèque, mais qui tombe amoureux du livre qu'elle tient. Pas de la fille. Autre exemple, dans Comment faire l'amour avec un nègre sans se fatiguer, il y a un vendeur de machines à écrire. Et je cite, « Celui-là, il vend des machines selon le style de bouquin que vous voulez écrire. Si c'est un livre paranoïaque, on vous vend la machine schizophrène qui a appartenu à Tennessee Williams. Si vous voulez un livre suicidaire, il vous vend la machine qui a appartenu à Mishima. Et si vous voulez un texte coup de poing, il vous tend la machine qui a servi à taper les déclarations des Black Panthers. » Donc vous voyez, à chaque fois, c'est, on a envie de vous dire, c'est pas la peine de chercher une héroïne obsédante, magnifique, capricieuse, inaccessible. Vous l'avez sous les yeux, entre vos mains, c'est la littérature elle-même. Or, qui dit littérature, dit appétit de vie, et qui dit vie, dit sexe. André Manoukian, je ne vous apprends rien. Bah non, oui. Et ça, Dany Laferrière, vous le savez plus que quiconque, puisque dans « Comment coucher avec un nègre sans se fatiguer »,« Faire l'amour avec un nègre sans se fatiguer », plus votre narrateur rame pour écrire, et plus il fait l'amour. Il est un peu, vous êtes mais un oui. peu agaspissette, hein, Dany Laferrière. Exactement. Oui, mais on peut même dire que le mal que votre narrateur se donne pour écrire un livre est même proportionnel à la faim sexuelle qu'il éprouve. Ça donne donc un narrateur qui écrit beaucoup et qui fornique beaucoup, ce qui est un petit peu la définition du bonheur à laquelle chacun aspire. Et de ce côté-là, Dany Laferrière, homme taquin, vous jouez avec les clichés, je vous cite. « Dans l'échelle des valeurs occidentales, la blanche est inférieure au blanc et supérieure au nègre. C'est pourquoi elle n'est capable de prendre véritablement son pied qu'avec un nègre. Ce n'est pas sorcier, avec lui, elle peut aller jusqu'au bout. Il n'y a de véritable relation sexuelle qu'inégale. » Voilà, le tout étant saupoudré de sourates du Coran. Voilà. Non, mais c'est ça. Alors, un matin. Ça, il aurait aimé que vous le passiez sous silence. Non, mais c'est un des amis du narrateur qui est merveilleux. Lui qui pratique la drague immobile. Ça va vous faire rêver, André Manoukian. Il est sur son sofa, il ne bouge pas. Et les filles tombent en syncope. Doivent venir d'abord, doivent savoir qu'il est là. Donc, ça prend du temps. Il ne faut pas être pressé. Mais à la fin, on gagne. Wow. La drague s'appelle la drague immobile. Alors cela dit, Dany Laferrière, un matin, votre narrateur, il en a marre de trousser les filles. Il rêve de normalité. Il dit « Je suis en diète. J'en ai marre de toutes ces filles bonnes pour les clochards et les nègres. Je veux une fille normale, avec un père conservateur et une mère bourgeoise, tous deux racistes, une vraie jeune fille. Merde, j'ai soif, moi aussi, d'une vie décente. » Et comme par hasard, la nuit même, il termine son roman. Comme si l'écriture était le temps de l'animalité, de l'appétit sauvage, et qu'une fois le livre fini, une fois la littérature finalement assouvie, une fois passé l'acte d'écrire, eh ben, la civilisation reprenait le dessus. En bref, Dany Laferrière, j'ai l'honneur de vous avoir présenté votre femme depuis toujours, Madame la Littérature. Et je redonne les références. Mythologie américaine est parue chez Grasset. Vous retrouvez cette chronique dans le Parisien Magazine qui sortira demain. Avec en une, Riyad Satouf. L'achetez pas du coup, parce que vous venez de l'entendre, la chronique. Non, ça sera la même. Hein, donc. Non, mais je suis charmé par sa chronique. Elle est très perspicace. Vous pécho la littérature et Clara Dupont-Mono par la même occasion, Dany Laferrière. On va aborder avec vous le troisième sujet, tiens, qui y a trait un petit peu à ce que vient de dire Clara. Parce que nous vivons, dans l'urgence. Non, il y a aussi des urgences culturelles, monsieur Meurice. Oui, le ministère de la Culture s'attelle à un dossier brûlant, les claviers AZERTY, qui ne sont pas optimisés pour écrire correctement le français. Le CCD majuscule, par exemple, est compliqué d'accès. Il faut y remédier. Et nous sous-estimons les bienfaits d'un bon clavier. Écoutez. Détendez-vous avec Olivetti. Les fautes disparaissent avec Olivetti. Le silencieux de l'électronique. Et le traitement de texte. Machine à écrire, Olivetti. L'écriture dynamique. L'écriture électronique. Et avec l'Olivetti, on emballe, Dany Laferrière. C'est génial. C'est alors, une Olivetti, il en est question au début du livre, hein, dans Truman Capote au Parc Hôtel, parce que Truman Capote, il écrit avec une Olivetti. Et vous, c'est la fameuse Remington 22, avec laquelle vous avez écrit. que vous avez utilisé pour écrire vos premiers romans. Parlez-nous du clavier de la Remington 22. Vous avez un souvenir tactile avec elle, ou un souvenir de contrariété à cause du C majuscule CD. Ah non, mais d'abord la machine. Moi, j'ai voulu écrire à la machine. J'avais l'impression qu'écrire à la main me faisait un style trop littéraire. Donc, c'était pour moi extrêmement important. Les écrivains que je voulais imiter, les Bukowski, les Miller, les Hemingway, et j'avais l'impression que la machine était fondamentale dans leur art de faire, d'abord pour la musique même. Mm-hmm. On en entend le clavier, pour le fait que ça a du poids, ce n'est pas une plume, un truc comme ça. Et puis aussi pour la distance qu'on a. et face à la page, puisqu'il faut mettre la page dans le tambour, on est loin, on est déjà critique même au moment d'écrire. Pour moi, la machine était fondamentale. J'étais amoureux de cette machine-là, de l'idée même que j'allais devenir un écrivain à la machine. Et en plus, elle a appartenu à... Comme dans la pub Olivetti qui était un petit peu glam, quoi. Et en plus, elle a appartenu à Chester Himes. C'est cela, il fallait, parce que dans la boutique où l'on vend des livres aux écrivains pour faire un best-seller, il fallait la machine qui appartenait à Mario Puzo, qui a fait le parrain, j'ai refusé. Oh, c'est beau, la machine expliquée par Dany Laferrière, c'est presque sensuel. Ah, sensuel, je l'ai en quatre syllabes, hein, sensuel. Voilà, c'est ça. Guillaume Meurice. On va monter un petit peu le niveau. Puisqu'on va parler de Pamela Anderson. Voilà, à un moment donné, c'est important. Alors, c'est de tradition, hein, dans notre émission, il y a un sketch à la fin. Pamela Anderson, oui. On vous a préparé celle qui le rôle. Refusait de s'asseoir à côté d'un calorifère parce qu'il dit tout est en celluloïde. Ah ben ça, on ignorait cette anecdote, mais voilà, on apprend des choses. Alors, Dany Laferrière, c'est un sketch dans lequel vous avez un rôle. Vous jouez le rôle du guide de l'Académie française. Vous savez que Pamela Anderson a rendu visite à l'Assemblée nationale. Ah. Imaginons qu'elle rende visite à donc, l'Académie française. C'est parti. Hello, Mr. Pamela Anderson. Bonjour, Madame Anderson. Bienvenue à l'Académie française. Merci, mais dites-moi, c'est gênant, ils sont tous en train de baver. Oui, mais ça, ils le font quand même quand vous n'êtes pas là. Ah, ok, d'accord. Oui. Alors, l'Académie, comment vous dire, c'est comme alerte à Malibu. Ah, avec des gens qui se noient dans leur soupe? Non, je veux dire qu'on sauve la langue française, on la maintient à flot. Voici les 38 académiciens. Ah, tout le monde n'est pas là? Non, 2 sièges sont vacants. Ah, ils sont en retard? Non, ils sont morts. Et le siège de François Weyerkens est vide. Ah, il est mort? Il est mort? Non, il est en retard, c'est un oiseau de nuit. Ah, j'aime beaucoup les oiseaux. Ah, je vous présente Giscard d'Estaing, lui, il sucre les fraises. Oh, bah, du moment qu'il ne gaffe pas les oies, toi. Taisez-vous! Taisez-vous! Oh, c'est qui ça? Alain Finkielkraut. Taisez-vous! Taisez-vous! Oh, je ne comprends pas ce qu'il dit. Ben non, on ne comprend pas tout ce qu'il pense. Mais taisez-vous! Taisez-vous! Oh, c'est d'ailleurs étrange, c'est la première fois qu'il y a tant d'hommes autour de moi et que ce n'est pas l'émeute. C'est l'âge. Jean Dormesson, 90 ans au petit matin. Il y a plus que sa plume qu'il tient droite. Ça et ses convictions politiques. Mais il y a aussi des charmants petits jeunes. Comment il s'appelle le petit, lui? Oh, ça, c'est Dany Laferrière. Dany Laferrière, ce japono-haïto-kibéco-sarrasin! Monsieur Finkielkraut, du respect pour l'Académie française. L'Académie française, c'était mieux avant! Bonjour, Dany. N'attendez pas de réponse. Hein. C'est un homme qui aime prendre son temps. Il vient de sortir Mythologie américaine. Oh, merci. Suis-je dedans? Pas sûr, mais ta vie que vous trouverez plutôt dans son premier roman. Oh, qui s'appelle comment? Comment faire l'amour avec un nègre sans se fatiguer. Oh, ça pourrait faire une super sextape. C'est vendredi, c'est le jour de la guitare qui nous démange. C'est celle de Frédéric Fromet. Aujourd'hui, en plus, il a rendu hommage à un chanteur belge qu'on aime bien. On y va, on l'écoute. Je vais vous parler de l'appel à provisoirement ne plus porter la kippa. Oui. Voilà. Mm-hmm. Alors n'ayez crainte, hein, je vous ai épargné tous les jeux de mots éculés, comme le rabbin des bois, le ski en Israël avec l'épreuve de shalom géant, la cocaïne qui est très bien, mais le hash qui est naze, etc. Le mieux, c'est que je démarre. Hein. Dites-moi les rabbins, pourquoi il faudrait la cacher? Daesh dit que lorsqu'on cherche bien, on finit toujours par trouver. Il dit qu'elle n'est jamais très loin, comme un gros confetti scotché. Sur la tête, ça donne l'air malin, comme une cornette, un turban ou un voile. Pas vrai? Où est ta kippa? Dis-moi où est ta kippa? Comme les imams et les curés, au ridicule tu as droit. Ah sacré kippa, dis-moi es-tu caché? Ça doit faire au moins 1000 fois que j'ai bien ri de toi. Hey, où t'es kippa, où t'es? Où t'es kippa, où t'es? Où t'es kippa, où t'es? Où t'es, où t'es? Où kippa, où t'es? Où t'es kippa, où t'es? Où t'es kippa, où t'es? Où t'es kippa, où t'es? Où t'es, où t'es? Où kippa, où t'es? Voilà, vous pourrez me retrouver demain en concert à la Grande Synagogue de Paris, après-demain à la Grande Mosquée, et si tout se passe comme prévu, le week-end prochain au Père-Lachaise. Quoi ? Qu'on y croit ou pas, est-il censé de se prendre au sérieux avec une Bible, un Coran, une Torah, pour une hypothèse que vous appelez Dieu ? Sommes-nous raisonnables ? Les croix, les nattes, les barbes, les imposteurs, les charlatans qui nous emmerdent avec du vent, hein ? Dites-nous donc, tiens, parce qu'il y a un Père Noël pour les enfants, faut-il un Père Noël pour les grands ? Monsieur, je sais tout, dit que c'est comme ça, Jésus, Allah, etc. Dis-moi, où es-tu caché ? Ça doit faire au moins 1000 fois que j'ai bien ri de toi, hey, où t'es qui pas où t'es, où t'es qui pas où t'es, où t'es qui pas où t'es, où t'es où t'es, où qui pas où t'es, où t'es qui pas où t'es, où t'es qui pas où t'es, où t'es qui pas où t'es, où t'es où t'es, où qui pas où t'es, où est ta qui pas, dis-moi où est ta qui pas. Mais pourquoi tu ne l'as pas mise ? On est dans la Moïse. Un sacré kippa. Tous les dieux et tous les gris-gris. Tout ça ne serait-il pas que des conneries ? Oui, oui, oui. Bravo ! Merci. Il faut l'envoyer à Stromae. Hein. Pour faire une nouvelle version. Hein. C'est la fin de l'émission et la fin de la semaine. C'est pour pas nous. Vrai, c'était très sympa de se replonger merci. Dans tous ces meilleurs moments. Oui, et merci d'ailleurs à Anne-Sophie Ladonne qui a goupillé ce florilège toute la semaine. Et on se retrouve dès lundi en direct avec toute la bande et avec Patrick Rambaud.